sa vie. Ma famille m'a viré de sa vie. La copine de mon frère a pleuré. La femme qui m'a mise au monde a pleuré. Mon brave petit frère a pleuré. Tout le monde était terrorisé. Mes oncles, mes tantes, tout le monde était choqué. J'ai claqué la porte comme un demeuré. Tout le monde m'a dit que j'étais cinglé. Tout le monde m'a parlé et regardé. Ce ne sont pas vraiment eux les plus traumatisés. Ils m'ont dit que j'étais un sale type. Que l'important était seulement de s'en rendre compte. Moi je contenais ma peine et ma honte. Car je n'ai plus de larmes à donner. Seulement, seulement, il savait que je sors à peine de l'HP. Ma famille m'a viré de sa vie. Nous avions pourtant très bien dîné. Le champagne a peut-être un peu trop coulé. J'ai parlé de mon frère déscolarisé. Il a alors descendu les escaliers. Il m'a dit : « Je t'emmerde, tu me fais chier. » J'ai proposé de sortir pour discuter. Mais peut-être bien que je l'aurais frappé. Ensuite tout le monde a pleuré. Ma mère m'a avoué qu'elle redoutait. À chaque soirée de m'inviter, que je suis un péteur d'ambiance et de soirée, et moi à l'intérieur je pleurais, mais à l'extérieur je me contenais. Ma famille m'a viré de sa vie. Ma famille m'a viré de sa vie. Ma famille était pourtant mon seul pilier. Je n'ai même plus Marion à appeler. Ses bras dans lesquels me réfugier. Je devrais soulager les gens autour de moi en passant sous un train bon débarras. mais je reste en vie car je suis lâche. Tout en ayant conscience que je suis une tâche. Ma famille m'a viré de sa vie. Mais bon sang, putain, quelle chienne de vie. Mais bon sang, putain, quelle chienne de vie. Mais bon sang, putain, quelle chienne de vie. Quel putain de bordel de chienne de vie. Thank you.